Section 99 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Yannick Loiseau. La lecture, tome 7e. Section 99. La charge. Tableau de bataille par Henri Houssaï. Chapitre 2. Alors, pendant un moment, le feu de notre artillerie se précipite. Les batteries tirent à volonté. Les détonations se succèdent sans interruption appréciable dans un grondement continu. Puis un grand silence se fait, troublé seulement par quelques décharges de l'ennemi qui se recueillent et attend. Un frémissement court dans tous les rangs. Chacun sent que l'instant décisif est venu. Et sans qu'on sache qui a donné l'ordre ni comment il a été transmis, la charge résonne soudain sur un point du champ de bataille. Encore assez lente, encore sonnée seulement par quelques clairons, encore assourdie par l'éloignement. La sonnerie s'accélère, se rapproche, se répercute, trouve autant d'écho qu'il y a de clairons et de tambours sur la ligne de combat. « La charge !» crient aux clairons les chefs des chaînes et des soutiens. Et aussitôt ils commandent « Baïonnette au canon !» « En avant !»« Baïonnette au canon, en avant !» répètent les officiers. « En avant ! En avant !» hurlent les soldats. Et de tous côtés, la charge éclate, vive et sonore, sonnée par 100 clairons, battue par 100 tambours. Et les soldats s'élancent au pas gymnastique, la tête en avant, la baïonnette croisée, le sac oscillant sur le dos, le fourreau du sabre frappant la jambe, la giberne, l'étui musette et le bidon battant contre les flancs. Et à la suite de la chaîne qui se rue à l'assaut, renforcée de toutes les réserves de première ligne, d'autres troupes arrivent déployées en bataille ou serrées en colonne. Si loin que s'étende la vue, c'est une succession de longues rangées et de masses profondes de fantassins qui accourent à toute vitesse. Chacun se presse comme s'il voulait avoir sa part de la goutte à boire. Et la charge continue, plus ardente et plus rapide, à chaque reprise accélérant la mesure. Et gravissant les escarpements, sautant les fossés, franchissant les haies, traversant les taillis, passant les rizières, escaladant les remblais des tranchées, les soldats courent sous les obus, les shrapnels, la mitraille et dans la nappe effroyable des balles. Et les clairons et les tambours, ceux-là sonnant le chant, ceux-ci faisant la basse, répètent les deux uniques phrases de la charge, dont l'une halète comme l'effort et dont l'autre exulte comme le triomphe. Cet air démoniaque commence par enlever les combattants. Ensuite, il les pousse et les entraîne dans son mouvement. C'est d'abord un macté animo, un sursum corda. Après quelques reprises, l'effet devient purement physique. La sonnerie fait avancer automatiquement. La fatigue disparaît, les obstacles s'effacent. L'idée de la mort possible, probable, s'évanouit. Il semble qu'on n'ait plus ni raisonnement ni sensation. On ne songe à rien, on ne voit rien. Mais on court, mu par une irrésistible impulsion. On est ivre, ivre de l'ivresse sans pensée où les objets apparaissent et se confondent en ne suggérant plus l'idée. Les fusils s'abaissent, les baïonnettes brillent, les balles passent en sifflant et frappent en rendant un son mat. Les hommes tombent avec de hideuses blessures à la tête. On court en avant, on court à la rencontre des balles, on court sur les baïonnettes. On a l'étourdissement des derviches de Scutari. La charge qui donne au corps l'élan impétueux jette en même temps l'esprit dans cette sorte de torpeur que provoquent les mélopées orientales, les chants gutturaux et les sons monotones et excitants du rebec et de la derbouka. Et la charge va crescendo, pressant de plus en plus le rythme. Les clairons hors d'haleine râlent dans les cuivres, les tambours dont les caisses embarrassent la course battent d'une seule main. Et plus la charge devient haletante et saccadée, plus augmente l'entraînement. On est prêt d'en venir au corps à corps, séparé seulement par quelques dizaines de mètres. Les soldats assurent l'arme dans les deux mains pour la besogne sanglante. Le feu de la défense affaiblit. Il s'arrête. On sent au flottement de ses lignes les hésitations de l'ennemi ébranlé. La démoralisation le gagne, la panique va le prendre. Encore un élan, encore un bond en avant. La charge jette son dernier souffle et l'on est dans la position. Et l'on a la victoire. Monsieur Ernest Renan a dit en pleine Académie française que la valeur d'une œuvre se mesure à son effet. Quel septuor, quelle symphonie, quel opéra vaut donc les 17 mesures de la charge ?